1, 2, 3, 4. Jack, une fois de plus, se rend là. Son pas est pressé, il a peur du noir. Cette nuit, c'est la sienne, il veut t'émouvoir. Il ne pense qu'à ça depuis très longtemps, car Jack est un tueur à gages. Il ne recule jamais pour appuyer sur la détente, car Jack est un tueur à gages. Il ne recule jamais, c'est ça qui fait la différence. Il dit bonsoir madame, pensant mon Dieu que vais-je faire. C'est pas son lot, pourtant ses chaussures sont légères. C'est primordial dans son métier pour se faire la belle, car Jack est un tueur à gages. Il ne recule jamais pour appuyer sur la détente, car Jack est un tueur à gages. Il ne recule jamais, c'est ça qui fait la différence. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ressemble à une grande. Derrière lui pousse le verrou, il veut que personne le dérange. Lui tombe sa veste, dévoilant son arme où il l'arrange, car Jack est un tueur à gages. Il ne recule jamais pour appuyer sur la détente, car Jack est un tueur à gages. Il ne recule jamais, c'est ça qui fait la différence. La la la. Son arme se retrouve dans sa main. Sur la tempe, il se l'applique sans se soucier du lendemain. Il revoit tous ses visages qu'il a effacés sans chagrin. Tout ça pour de l'argent, pour ses véreux de politicien. La la la la. Prière, la la la la. No. Mm-hmm.